Au sujet de l'adoption par l'Assemblée nationale de la motion de révocation contre Bakounine, des journaux sud-coréens, dont Une Nation, Pyongyang Sinmun, Hanguk Ilbo, ont donné à la fois des éditoriaux le discours. Ils soulignent que la marche à la bougie destinée à la destitution de Bakounine ira vers un système nouveau, une société nouvelle et une ère nouvelle, et que la mise en accusation n'est point la fin, mais le départ.